Chapitre 5. Seigneurie particulière de Concarneau. La seigneurie particulière dite de Concarneau comprenait les paroisses de Besançon, avec Concarneau, sa trêve, Lanriec et Tréguin, c'est-à-dire les quatre communes formant le canton actuel de Concarneau qui, comprenant 9000 hectares, est le moindre de l'arrondissement de Quimper. Mais le domaine propre du duc était très réduit. Il ne comprenait même pas tout l'îlot exigu qu'occupe la vieille ville. Une partie appartenait à l'abbaye de Landévennec. De même, une part du faubourg était à l'évêque de Cornouailles. Nous avons vu cela plus haut. Une déclaration du prieuré à un aveu de l'évêque, vers la fin du XVIIe siècle, nous renseigne sur ces deux fiefs. Le prieuré comprenait, en 1678, l'église de Saint-Guénolé avec son cimetière autour et autres issues. Le prieuré avait eu autrefois la maison du prieur entre l'église et la porte du passage, et une autre maison entre la chapelle Notre-Dame et le mur de ville. Mais ces deux emplacements ont été employés aux fortifications. Les droits honorifiques et utiles consistent dans, premièrement, patronage et prééminence à Saint-Guénolé, offrandes et oblations qui y sont faites. Deuxièmement, droit de passage en bateau, moyennant un péage de 6 deniers par personne, cheval ou bête de charge, entrant à Concarneau ou en sortant. Note, il s'agit du passage de la Chambre en sortant de la porte de l'Est vers Lanriec. Voilà le nom de Concarneau employé en 1678. Fin de note. Il est observé que pour être quitte de payer ce devoir à chaque passage, les habitants des paroisses de Tréguin, Lanriec, Névée, Nison et partie de Melvin ont de temps immémorial consenti aux prédécesseurs du prieur le droit de prendre, lever et percevoir une fois par chaque année, sur tous et chacun des habitants faisant feu et fumée, savoir, à Tréguin et Lanriec, une gerbe de froment raisonnable et renable, et à Névée, Nison et partie de Melvin, un minot d'avoine. Les passants de toutes autres paroisses paient la redevance originaire. Le prieuré, restant chargé de l'entretien du bateau, affirme le droit de péage pour 81 livres tournois, environ 280 francs de notre monnaie, payable chaque année à Noël. Le prieur déclare en outre lui être dû lot et vente, dîmes et neumes, non seulement à Conques, mais en quelques cantons voisins. Mais il n'en jouit pas, les titres ayant été perdus dans les guerres civiles. D'autre part, l'évêque de Cornouailles, dans l'aveu mentionné plus haut de 1682, déclare avoir la seigneurie de Ligence, foi, hommage, chambellenage, lot et vente, rachat, obéissance à cour et juridiction sur les habitants de la rue nommée l'Air l'Évêque, l'un des faubourgs de la ville. Il réclame sur chacune des maisons de la rue dite l'Air, de Chefrente à la Saint-Mathieu, 4 deniers monnaie, puis quelques mesures de froment dues par un habitant. Enfin, il déclare le four à banc mentionné plus haut. On le voit, le domaine ducal puis royal à Concarneau, ville et faubourg, était peu important. Il comprenait seulement les fortifications avec un large chemin de ronde, l'espace laissé libre entre elles contenant les 115 maisons ou jardins mentionnés ci-dessus, enfin au faubourg, 33 maisons et 10 parcelles de landes données en baillis. Chacune de ces maisons et parcelles payait une rente peu élevée. La plupart de ces rentes sont anciennes et elles sont acquittées selon leur valeur nominale, c'est-à-dire pour presque rien dès le XVIe siècle. Elles ne suffisent pas au paiement des officiers et à l'entretien des fortifications. Nous avons vu l'exemption de toutes impositions concédées par les ducs et que les rois vont continuer. Double raison pour que le revenu du domaine de Concarneau ne figure pas dans l'état des revenus du domaine de Bretagne en 1534. En 1431, le revenu de Fouesnant et Rospordin est évalué 700 livres. En 1438, par faveur pour son fils Pierre, Jean V le porte seulement à 460 livres. En 1534, le revenu, non des deux seigneuries seulement, mais de la châtellenie entière, y compris Conques, figure à l'état général des revenus pour 450 livres, 13 500 de notre monnaie. Donc, en même temps que le revenu de Fouesnant et Rospordin est réduit, celui de Conques est compté pour rien. en signalant plus haut les exemptions générales et perpétuelles d'impôts concédées aux habitants de Conques en 1451 et 1457, nous avons mentionné le devoir de pêcherie et sécherie, et nous avons fait remarquer que le produit de cette imposition ne figure pas dans les revenus particuliers de la seigneurie, mais dans les recettes générales du duché. Puisque nous parlons de ces recettes générales, disons quelques mots des pêcheries et sécheries, et notamment de celles de Conques. Les mots « devoir de pêcherie et sécherie » doivent être interprétés par ces mots « droit, impôt payé pour obtenir la licence de pêcher en mer et de faire sécher sur le rivage le poisson et les filets ». Ce droit avait autrefois un sérieux intérêt. On oserait presque dire que pendant des siècles, la pêche dite côtière a été exercée en Bretagne plus activement qu'aujourd'hui. Une industrie fort importante autrefois a presque disparu. Je veux parler de la sécherie du poisson. Avant que l'Europe allât pêcher à Terre-Neuve, découverte en 1496, les morues, les congres, surtout les merlus prises et séchées sur les côtes bretonnes, tenaient en France et ailleurs, notamment en Espagne, la place qu'occupe de nos jours la morue de Terre-Neuve et d'Islande. À cette époque, où le carême étendait sur toute l'Europe ses rigoureuses lois, les poissons secs de Bretagne étaient la viande de carême. Ils faisaient, semble-t-il, le fond de la nourriture dans les abbayes et couvents où l'abstinence était ordinaire. Le droit de pêcherie et sécherie appartenait aux seigneurs dans leurs fiefs situés au bord de la mer. Mais le domaine ducal comprenait quelques parties du rivage breton. Ainsi, les côtes de l'évêché de Cornouailles, de l'entrée de Quimperlé à l'embouchure de l'Audet, étaient du domaine ducal. La rivière d'Avesnes les coupait en deux parties inégales. La moindre à l'est était de la châtellenie de Quimperlé. L'autre à l'ouest était de la châtellenie de Conques, Fouesnant et Rospordin. Le rivage de l'Avesnes à l'Audet mesure environ 70 kilomètres. Au-delà de l'Audet, les côtes de Cornouailles appartenaient à diverses seigneuries. En plusieurs d'entre elles, nous voyons l'imposition singulièrement variable, pêchée par le pêcheur en titre, le maître du bateau, et une imposition moindre frappant chaque homme de l'équipage. Ces règles étaient-elles suivies sur le domaine ducal? Quelle était pour le pêcheur et ses hommes la quotité des droits? Nous n'avons sur ce point aucun renseignement. Et à cause même de leur variété, les tarifs seigneuriaux ne permettent aucune induction sur le tarif ducal. C'est fâcheux, car nous savons, à trois époques, le total des droits entrés dans le trésor ducal. Et, si nous savions le tarif, un calcul assez simple nous donnerait le nombre approximatif des bateaux et des pêcheurs de la châtellenie. Il n'est pas douteux que le plus grand nombre devait être attaché au port de Conques. Et ce renseignement aurait eu quelque intérêt pour le Concarneau d'aujourd'hui et pour ses pêcheurs, disant du moins ce que nous savons de façon certaine. Nous avons vu que, en 1438, les pêcheries et sécheries de Cornouailles rapportaient un impôt de 1250 livres, soit fois 41,25, 51,562. Nous ne savons si à cette époque le droit était perçu directement par le receveur du duc. Nous avons plus tard deux états des recettes de Bretagne. Ils nous révèlent que les droits sont désormais affermés, que, en 1501, le fermier paie 2000 livres par année, soit multiplié par 30, 60 000 francs, et que, en 1534, il paie 1845 livres seulement, soit 55 350 francs. Il va sans dire que le fermier sera, comme à l'ordinaire, largement rémunéré de son temps, de ses peines et soins. Toutefois, la diminution en 1534 de 4 750 francs, un treizième de la rente payée en 1501, nous révèle une diminution dans les recettes. L'apogée de la pêcherie bretonne, si l'expression est permise, se place donc vers 1501, et de cette date à 1534, la décadence a commencé. La cause de ruine est permanente, progressive et irrémédiable. Quelle est-elle ? La pêche de la morue, inaugurée à Terre-Neuve. Les Bretons sont pour beaucoup dans la décadence des pêcheries bretonnes. En effet, avant même que la France ait pris possession de l'île, en 1525, les pêcheurs de Bréa, cessant de pêcher le congre et les merlus en vue de leur demeure, vont pêcher la morue à Terre-Neuve, et même en Islande. Ils y sont avant 1514, d'autres Bretons les suivent, et, avant la fin du siècle, en 1578, un Breton, Troilus de Mesquez, marquis de la Roche Coëtre-Moal, sera nommé par Henri III vice-roi de Terre-Neuve. La France est loin d'avoir aujourd'hui à Terre-Neuve cette prééminence. Je mentionnais, en commençant, l'usage des merlus secs dans les couvents et abbayes. Cette fourniture était un don assez ordinaire des seigneurs riverains de la mer et des ducs. C'est ainsi qu'en 1202, Alain de Penthièvre, comte de Guingamp, Tréguier et Goëlot, fondant l'abbaye de Beauport, donne aux moines le revenu de ses pêcheries voisines. Et plus tard, ils obtiennent la dîme des congres, morues, merlus pêchés et séchés par les bréhatins. Le duc de Bretagne lui-même est débiteur à Beauport de 1100 merlus secs, renables, bons et marchands sur ses pêcheries et sécheries de conques. Le vicomte Alain de Rohan a fondé, en 1184, l'abbaye de Bon Repos. En 1381, le duc Jean IV obtient des moines cisterciens de Bon Repos un grand service à son décès pour son âme et celle de ses prédécesseurs avec commémoration et prière de chaque jour. En récompense, il donne aux moines 500 de merlus secs à prendre sur les profits, droitures et revenus des sécheries de Cornouailles et de Guerluinec. Ce n'est pas tout. En 1678, l'abbé de Langonnet, Claude de Marbeuf, et le couvent de Langonnet déclarent qu'il aurait dû 500 merlus secs, renables, bons et marchands, au grand sang, à raison de 6,20% payés et rendus à l'abbaye, francs et quittes, sans aucun devoir ni paiement de denier, à chaque jour de fête de Saint-Jean-Baptiste, 24 juin. Au temps où nous reporte cet acte, le receveur du roi faisait sans doute acheter ses 600 merlus de premier choix, encore une somme à ajouter aux dépenses de la seigneurie. Mais on peut croire que les exemptions concédées perpétuellement par les ducs n'existaient plus. Les rois ne leur reconnaissent pas ce caractère de perpétuité, puisque Henri III, en 1577, les confirma pour 9 années, et nous n'avons pas d'acte confirmatif postérieur. Il faut reconnaître que le privilège accordé aux habitants au milieu du XVe siècle, en récompense et en encouragement de leur zèle à la défense de la place, ne se justifiait plus 2 siècles après. La garnison royale suffisait désormais à défendre Concarneau. Une remarque est à faire. À Concarneau, ni dans les autres seigneuries du duc puis du roi, il n'est question de ces droits et devoirs féodaux qui nous semblent singuliers, sinon souvent ridicules. Monsieur de la Borderie n'a pas cru déroger à la dignité de l'histoire quand il a mentionné et décrit plusieurs de ces droits dans sa grande histoire de Bretagne. Mais il en a connu bien d'autres qu'il a signalés ailleurs ou qu'il n'a pas signalés. Il a omis notamment les droits de ce genre exercés à Quimper et à Pont-l'Abbé. Les grands-pères et les bisaïeuls des Concarnois, nos contemporains, ont été témoins au XVIIIe siècle de l'exercice de ces droits. C'est à ce titre qu'il est peut-être permis d'en rappeler la mémoire à leurs descendants. Ces droits ou devoirs ont souvent marqué le souvenir d'une concession accordée ou d'un service rendu. Et au Moyen-Âge, tout service, même considéré comme un honneur par celui qui le rendait, recevait sa rémunération. Ces droits publiquement exercés ont été originairement ou sont devenus des réjouissances publiques et on peut remarquer que tous s'exercent pendant la belle saison. Parlons de Quimper d'abord. Le seigneur de Coatfao a fourni, dit-on, beaucoup de bois pour la charpente de la cathédrale de Cornouailles. En récompense, il aura le droit de sonnerie et de cueillette des œufs qui sont corrélatifs. Le droit de sonnerie s'exerce les jeudis, vendredis et samedis de la semaine sainte. 4 vassaux de Coatfao viennent à Quimper. Munis de cornes en terre, ils entrent à la cathédrale, s'assoient un moment au chœur, puis font le tour de l'église en cornaillant comme des fous. Après quoi, ils vont corner dans les rues et faubourgs du fief épiscopal. Tous les polissons de la ville entière leur font cortège. Le mardi de Pâques se fait la cueillette des œufs, suite de la sonnerie. Les 4 paysans cornards reviennent porteurs de paniers, de pinces et marteaux. Ils vont de porte en porte, réclamant 2 œufs des maisons où il y a gens mariés, 1 œuf seulement où il y a veuf ou veuve. Mais au lieu d'eux, ils acceptent en paiement 2 liards. Le même bruyant cortège les suit, on rit, on paie la redevance si minime, malheur à celui qui ne paierait pas les paysans enlèveront la serrure de sa porte. Le seigneur de Guingamp réclame comme un honneur d'être un des quatre porteurs des évêques de Cornouailles à leur entrée solennelle. Est-ce en prix de ce service d'honneur qu'il a le droit de percevoir un os moelleux de chaque boucher de la ville et de faire court une poule blanche au boucher la veille de Saint-Pierre, 28 juin ? La perception de l'os moelleux se fait sans cérémonie à supposer qu'elle se fasse. Il en est autrement du vol de la poule. Le 28 juin au matin, un gentilhomme vient présenter une poule au sénéchal de l'évêque, le priant de donner acte qu'elle est toute blanche. Le sénéchal donne acte et la poule portée au parvis de la cathédrale est donnée à court au boucher. La place est pleine de curieux dont les sympathies sont à la poule. Que celle-ci, prenant un haut vol, se réfugie sur quelques pierres en saillie de l'église, de quelle joyeuse acclamation sera-t-elle saluée ? Passons à Pont-l'Abbé. Le droit de bienvenue consiste à prendre de chaque nouveau venu pour demeurer dans la ville noble ou roturier une poule, un pot de vin rouge et un sou de pain, lequel droit est laissé par le seigneur aux jeunes gens bourgeois de la ville pour leur divertissement du carnaval, lesquels, le mardi gras, accompagnés du syndic, lèvent le dit droit. Et faute de paiement, les 10 jeunes gens ont le droit, en présence du syndic, de faire ouvrir les portes par serrurier et de prendre par leur sergent, nommé Pantalon, une pièce de meuble et de la faire vendre aussitôt au bout de la cohue. Un droit analogue est réclamé en même temps, avec la même sanction et la même destination, aux nouveaux mariés de l'année, nobles et roturiers. Ce droit est dit de basoche ou caquinerie. Enfin, le seigneur de Pont-l'Abbé réclame et exerce un autre droit, dit de viande à garçon. Il est ainsi énoncé, les possesseurs des terres soumises au droit sont tenus de fournir à deux garçons, bons mangeurs et bons beuveurs, de la bonne chair salée, du bon pain blanc et du bon vin, tant qu'ils pourront manger et boire sans se lever de table, le long du jour, de soleil levant à soleil couchant. Ce devoir exceptionnel est dû par deux biens ecclésiastiques, deux cures. Le curé de Loctudie doit recevoir 4 fois dans l'année ses goinfres privilégiées. Voilà une grosse farce dans le goût du vieux temps. Rabelais a connu la danse bretonne du triori, que nous ne connaissons plus, décrite par Ambroise Paré, célébrée par Noël Dufaille. Que Rabelais eût connu le droit de viande à garçon comme il aurait ri et fait rire. Ces droits féodaux, vraiment pantagruéliques, ne se trouvent qu'à Pont-l'Abbé. Depuis Rabelais, le goût a changé. Le droit de viande à garçon n'aura pas le don de plaire. Du moins, n'enflammera-t-il pas des colères posthumes comme cet autre droit ridicule terreur des naïfs quand, en temps d'élection législative, retentit à leurs oreilles l'écho de cette phrase d'un député breton à l'Assemblée constituante « Qu'on nous apporte ces titres qui obligent les hommes à battre les étangs pour empêcher les grenouilles de troubler le sommeil de leur voluptueux seigneur. » C'est l'affreux droit de grenouillage. Or, voici le grenouillage de l'évêque de Saint-Brieuc, le seul existant en Bretagne et le mieux connu des 5 grenouillages authentiquement constatés dans la France entière. 2 citoyens de Saint-Brieuc, de bonne bourgeoisie, peut-être nobles, possèdent, au centre de la ville, 2 maisons bordant un ruisseau, dit Lingoguet, à raison desquelles ils déclarent dans leurs aveux une rente de 12 sous plus le devoir qui suit. Sont tenus chaque année, le 23 juin, la vigile de Saint-Jean-Baptiste, de quérir le seigneur évêque ou son receveur et le prier d'assister à la servitude qu'ils sont tenus de faire à cause des dites maisons, qui est qu'ayant une baguette de bois en main, ils frapperont sur le ruisseau par 3 fois et diront « Grenouille, taisez-vous, laissez monsieur dormir ». Et en défaut de ce faire, ils doivent 15 sols monnaie d'amende. Quelques observations. Le devoir se rend dans la journée, puisque le débiteur va chercher l'évêque pour assister à cette servitude. Or, le jour, les grenouilles ne chantent guère. Si l'évêque avait la fantaisie de répondre à la convocation, c'est en sa présence, et lui bien éveillé, qu'il serait dit « Monsieur dort ». Enfin, le ruisseau de Lingoguet est infect. Il charrie les immondices de la ville, et jamais grenouille n'y a vécu. Il est couvert depuis la fin du XVIIe siècle. Tout cela est donc plaisanterie. Ce devoir est rachetable, moyennant l'amende de 15 sous, acquittée au XVIIIe siècle, selon sa valeur nominale, environ 1,65 francs d'aujourd'hui. Le choix du devoir ou de l'amende est au propriétaire. Sont-ils d'humeur joviale? Veulent-ils amuser le public? Ils accompliront le devoir. Au cas contraire, ils paieront l'amende. Un devoir facultatif n'est pas vexatoire et qui peut s'en plaindre? Ce ne sont assurément pas les débiteurs du grenouillage quand ils peuvent s'en libérer en acquittant une amende de 15 sous, une rente de 12 sous, une amende de 15 sous par an pour la jouissance de la place de deux maisons, ce n'est pas cher. Ce grenouillage nous paraît le prototype du droit. Ce fut une pure plaisanterie aux yeux des députés à l'Assemblée nationale, puisqu'ils ne l'ont pas compris dans la longue énumération des droits féodaux supprimés.